Fiché au grand banditisme, il a déjà passé plusieurs années en prison. Aujourd'hui, il est soupçonné de trafic de cocaïne, de blanchiment d'argent, et il attend son procès. Tout commence en 2007. À cette époque, Mohamed fréquente la jet set et des vedettes du show business comme Ophélie Winter. Il aime parader dans sa toute nouvelle voiture de luxe à 200 000 euros. Là, c'était le lendemain qu'on avait acheté la voiture chez Bentley à Monaco avec mon ami, le propriétaire. C'est une voiture qui venait de sortir. C'est la voiture du moment, on va dire. Voilà, une petite cabriolet. Vous étiez heureux de la conduire, cette voiture ? Qui est-ce qui serait pas heureux de la conduire ? Tout le monde est heureux de la conduire. Pour Mohamed, c'est le temps des excès. Officiellement, il est sans ressources et pourtant, il mène une vie de nabab. Il dépense sans compter en vêtements, restaurants et organise de grandes fêtes. Là, c'est une photo de mon anniversaire, ça. Elle a été prise en 2007, en mai 2007. 4 jours après, on m'a donné un autre cadeau d'anniversaire. Son deuxième cadeau d'anniversaire lui a été offert par la police quand il a été arrêté dans sa luxueuse villa de Saint-Raphaël. Elle est là. Ici. Cela fait 5 ans que le juge lui a interdit d'y entrer et d'y habiter. Le jour de son arrestation, 40 gendarmes et policiers étaient sur place. La maison était encerclée, le quartier bouclé. Il y avait les cagoulés, donc on m'a mis à terre. Bien entendu, comme ils sont très forts, un coup de crosse dans la tête quand j'étais par terre. Et puis ils ont commencé à répertorier les affaires et puis pour tout prendre, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont pris exactement ? Ils m'ont pris les habits. Les chaussures, ceintures, mes bagages, la machine à laver, le frigo, toutes les bouteilles de vin, bouteilles de champagne, tous les lits, les matelas. Ils ont tout pris. Ils n'ont pas fait marque ou pas marque, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils ne sont pas venus pour prendre la marque, ils sont venus pour vous mettre à poil. Voilà. Le mot, vous mettre à poil, c'est tout. Sa Bentley à 200 000 euros est saisie, ainsi que sa Porsche Cayenne achetée à Miami, son Audi A3. Et tous ces biens mobiliers. Et quand vous n'avez rien à vous reprocher, et qu'on vient, on vous prend parce qu'il y en a un qui décide que monsieur a trafiqué, alors que monsieur n'a rien trafiqué du tout, on ne peut rien dire. Mais là, j'ai subi à tort. Et ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Car Mohamed conteste en bloc ses saisies. Selon lui, la police s'est trompée. Rien ne lui appartient. Ni son appartement au Maroc, ni ses voitures. Et encore moins la maison de 300 mètres carrés avec piscine qu'il habitait à Saint-Raphaël. Il l'a occupée pendant 7 ans et c'est lui qui l'a rénovée et décorée. Mais il insiste, il n'est pas le propriétaire de cette maison, estimée à 1,5 million d'euros. Voilà. C'est pas à vous cette maison ? Non, c'est pas à moi, j'ai rien à moi. À part l'Audi, j'ai rien à moi. Et comment vous a prêté cette maison ? C'est un ami ? Un ami à moi. Qui vous la prête gratuitement. Voilà. Un Belge qui est fortuné, qui n'a pas besoin de la maison. Parce que vous n'auriez pas pu vous payer une maison comme ça. Moi, j'ai pas d'argent. Et la Bentley aussi. La Bentley, c'est pas le même ami. Le Bentley, ça, elle appartient à un milliardaire tunisien, un industriel tunisien. Donc, c'est autre chose, ça. Un autre ami. Vous avez de la chance quand même d'avoir des amis qui vous prêtent tout ça. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Pourquoi ? Des amis fortunés lui auraient donc prêté cette maison. François Thierry connaît bien le personnage. C'est lui qui l'a arrêté en 2007. La ligne de défense de Mohamed ne le surprend pas. Mohamed, c'est quelqu'un qu'on connaît bien depuis longtemps. Parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans le sillage de trafiquants ou de bandits célèbres. Il m'a dit que rien ne lui appartenait, la villa, les voitures. Bien sûr. Ça ne vous a donc pas étonné ? Mais non, ça m'étonne pas, parce que c'est toujours le cas. Ça fait plus de 15 ans que je fais des procédures de stupéfiants, j'ai jamais vu un trafiquant qui me disait « oui, c'est à moi ». Jamais, c'est comme ça. Ça fait longtemps qu'on se laisse plus prendre à ce genre de choses. Enfin, le coup classique de la BMW rutilante au nom de la grand-mère de 85 ans, qui n'a pas le permis, c'est le coup quand même très classique, très connu, et ça n'empêche pas du tout ni sa saisie, ni sa revente au profit de l'État. Mohamed a été condamné à 5 ans de prison ferme et 50 000 euros d'amende pour blanchiment d'argent, trafic de drogue et non-justification de ressources. Le procureur qui demandait une peine plus sévère a fait appel. En attendant un deuxième procès, Il a le droit de retourner dans sa maison de Saint-Raphaël, mais ses voitures et ses biens mobiliers restent sous scellés.